ans, j'roule en bichi. Combien de visages, dis-moi qui je suis. Passe un tichou pour le croco, dis-leur que j'ai qui la visa. Quelques torts sur le CV, mes amis disent que ça va. Ils ignorent tous mes vices tristes, je frôle l'AVC. À toi la street, joue le real, j'en ai rien à calisser. Une fin triste à l'Odyssée, à Métis les orchidées. Ego tué pour déprimer, de mes tripes de primates et de manates sur privé. Je ne peux que tomber flat, fuck tes bravo, fuck ton praise. Quand je raconte mes ombres, l'enfer crois-moi que c'est moi. Le paradis c'est les autres, bisextile, mi-sexiste. Si j'existe j'en bénis, me fils d'exil et vide exigu. J'exorcise mes abîmes, je représente les fakes. J'appréhende les exemples à suivre, présente les faits avant d'apprendre par cœur tes titres. T'aurais pas cru qu'un pied aussi pourrait être une piece of shit. Horizontale et la bêtise, il me fallait un piece aussi. Accaparé, j'suis embarré dans le hate, cadenassé par le passé. J'suis embarré dans le hate, conditionnel, acclimaté. I am a little lonely thing exploring all this universe and trying to make something out of it, get something out of it, do something with it. And I know I'm going to fail because I know I'm going to die one day. So we're all fundamentally depressed. Les derniers sont les derniers. Yeah. Yeah. Trouve la goutte dans l'océan. L'odeur du propane, profil de profane. Promets-moi la calmie de l'horizon. Souris quand viendra le dos d'âne. Usé de cogiter, complexe de comité. Commis aux affaires étrangères, je suis là des œuvres qui m'exaspèrent. Que de nuages mes phylactères. Quand je me tais, je défile à terre. Rien n'est clair, j'ai l'eau qui tord. Je suis l'eau qui monte et l'eau qui mord. Vous avez tous l'air de courir. Mourir, c'est arrêter de mourir. Pousser à faner sous le sourire. Catastrophé, soupir. Les songes couverts de fange, comme si les anges étaient un mensonge. Les fontaines bourrées de change, comme si la chance tenait un coin toss. T'as cru savoir t'étais qui? Je veux trouver je suis quoi. Le ver magnifie l'ennui. Que ça verra de mes doigts. Perdu comme un aveugle dans le néant. Merci de participer. La prochaine fois.